Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 65e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Toussaint Joanneau. Monsieur Joanneau, bonjour à vous. Bonjour. Toussaint Joanneau, vous êtes prêtre diocésain dans une petite ville de France et également auteur d'un ouvrage paru récemment aux éditions Contre-Culture, le tome 1 des cahiers de culture chrétienne et intitulé sobrement « La Bible ». Dans ce livre passionnant, Monsieur Joanneau, vous racontez de façon pédagogique et accessible l'histoire, la structure, la portée de ce livre saint. Vous le mettez en perspective avec le contexte historique de l'époque et également l'évolution des textes sacrés des deux autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam, mais surtout le judaïsme. C'est de tout cela dont nous allons parler, mais avant cela, chers auditeurs, laissez-moi vous informer que je me trouve, comme chaque semaine, aux côtés de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Monsieur Joanneau, ma première question, qui êtes-vous ? Eh bien, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, je suis prêtre diocésain, je suis dans un ministère ordinaire, d'une paroisse ordinaire. Voilà, et la Providence, je crois, m'a permis de croiser les chemins de contre-culture, de découvrir ce qu'était égalité-réconciliation, Monsieur Soral, et toute l'agitation culturelle, politique et intellectuelle autour de lui. Ça a donné lieu à des rencontres, des échanges, et au bout du compte, à une petite collection, voilà, comme vous l'avez dit, de présentation de la culture chrétienne. Il faut bien commencer par un bout. Ce n'est pas une question de prosélytisme, c'est juste de dire, voilà, nos racines sont chrétiennes, et il est bon de connaître ses racines, et j'ai voulu le partager avec d'autres personnes. Alors, vous commencez cette collection par une explication de ce qu'est la Bible, une explication très pédagogique. Alors, je vais vous poser cette première question qui pourrait, à partir de laquelle vous pourriez faire un développement sur toute l'émission, mais je vous la pose quand même. Monsieur Joanneau, qu'est-ce que la Bible ? Bien, d'abord, si je regarde sur les étagères en face de moi, il y a le Nouveau Testament, c'est une partie de la Bible, c'est d'abord un livre. Matériellement, c'est du papier avec de l'encre dessus. Si on prend une définition matérialiste, la Bible, c'est d'abord un livre. Et puis, dans un deuxième temps, si on se penche davantage sur la question, la Bible, c'est la trace, c'est une trace, au fond. Cette encre qui s'est déposée sur du papier, c'est la trace d'une expérience. Une expérience qui est d'abord profondément, fondamentalement, depuis plusieurs millénaires, une expérience religieuse qui s'est traduite en écrit. Mais fondamentalement, le noyau de la Bible, son essence profonde, c'est cette expérience religieuse. Et pour nous chrétiens, c'est même la trace de la rencontre de l'humanité avec Dieu, qui s'est exprimée par une tradition qui, elle-même, a laissé des traces au cours des millénaires. Et ces traces, une partie de ces traces culturelles, c'est ce livre. Ce sont ces livres, d'ailleurs. Pour être plus précis. Alors, cette rencontre avec Dieu, c'est la rencontre avec un Dieu unique. C'est le passage aussi du polythéisme au monothéisme. Qu'est-ce qui explique ce passage ? Alors, c'est un raccourci, arriver à raccourcir en un si peu de temps. Et, bon, j'invite les gens évidemment à se pencher sur ce petit opuscule, très très modeste, mais qui est au moins un point de départ. L'histoire, elle est à la fois, je dirais, plus simple et plus compliquée que ça. Si vous voulez, il y a la conscience qui naît peu à peu dans le cœur d'un certain nombre d'individus, dont le premier attesté, c'est Abraham. Voilà. Qu'il a fait cette rencontre, et que cette rencontre a changé sa vie, elle l'a changé même d'un point de vue matériel, puisqu'il a quitté sa terre, la Mésopotamie actuelle, l'Irak actuel, pour se diriger vers l'ouest, vers une autre terre. Alors, on est à la frontière entre ce que l'on appelle les mythes et puis l'histoire, avec un H majuscule. Et en même temps, cette expérience, elle va se transmettre génération après génération. C'est, si vous me permettez une image, c'est comme si on mettait au point avec un objectif photographique. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expérience de foi, elle se vit dans l'histoire. Voilà, c'est toute la tension qui traverse ces livres, qui traverse l'expérience chrétienne depuis et l'expérience juive d'abord, puis l'expérience chrétienne. C'est cette tension il se passe quelque chose qui dépasse l'histoire, mais qui s'inscrit au cœur de l'histoire. D'accord, et cette histoire, ce passage dont vous parliez tout à l'heure, introduit également une notion qui va devenir fondamentale, qui est celle d'intermédiaire, puisqu'à ce Dieu unique, les peuples accèdent à lui par un intermédiaire qui est en l'occurrence le peuple juif. C'est exactement ça, c'est d'abord une personne, puis cette personne devient une famille, puis un peuple qui traverse les vicissitudes de l'histoire à travers ce qu'on appelle dans la Bible le pays de Canaan, la Palestine actuelle, l'Égypte, la Syrie, etc., etc. Et de fait, assez vite, en particulier à partir de Moïse, ce peuple a la conscience d'être un peuple élu. Mais d'une élection qui est d'abord une élection spirituelle, qui passe dans un vrai peuple, avec des vraies personnes, mais de dire, voilà, nous avons été choisis par Dieu pour être les intermédiaires entre nous et ce que les Juifs appellent les nations. Tous les autres peuples de la terre, et dès Abraham, la chose est en germe, c'est ça. Abraham est choisi pour annoncer, être porteur de cette révélation. Mais il n'existe que s'il en est le porteur et s'il ne perd pas la perspective qu'elle n'est pas sa propriété, mais qu'elle est destinée aux nations. C'est ça la vocation du peuple juif, donc vocation spirituelle. Est-ce qu'on peut dire que cette révélation, à l'époque d'Abraham, a des enjeux politiques ? Alors ça, c'est la question difficile. C'est-à-dire que pour que ce peuple puisse enraciner cette mission, il s'installe dans une terre qu'il estime lui avoir été donnée par Dieu, mais encore une fois, ça j'y tiens beaucoup, dans la mesure où cette terre, où cette élection, où ce choix divin, et d'ailleurs, quand on regarde la deuxième partie de la Bible, qui sont les prophètes, on voit très bien que les prophètes, génération après génération, viennent dire à Israël « Attention, le politique est une tentation. Attention, le culturel est une tentation. Attention, le matériel, le temporel est une tentation, parce que votre vocation est spirituelle. Vous êtes là pour servir d'intermédiaire entre le monde et Dieu. Et si vous perdez de vue cette perspective transcendante, alors vous êtes idolâtre, parce que le grand péché, c'est l'idolâtrie. C'est se détourner de la mission reçue de Dieu, se détourner de ce que Dieu veut. Et malgré tout, ces écritures sont tributaires des hommes qui en transmettent le message, et donc, par la force des choses, subissent des influences, et notamment culturelles. Et vous parlez des influences égyptiennes, qu'en pensez ? Alors, la première chose qu'il faut en penser, c'est que ce ne sont pas les seuls. Dans cette longue histoire qui commence aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, qui est encore extrêmement floue, on est encore dans l'époque une époque plus ou moins mythologique, au sens extrêmement respectueux et profond du terme, puis après, peu à peu, je dirais, l'histoire, le brouillard du passé se dissipe et on entre dans l'histoire, eh bien, génération après génération, cette expérience du peuple d'Israël va se traduire d'abord, je dirais, dans une tradition orale, puis viendra l'invention de l'écriture, puis viendra la mise par écrit d'une partie de cette tradition qui sera toujours en miroir avec l'expérience religieuse. Je prends un exemple tout simple. Au cœur de la Bible, vous avez les textes des psaumes. Les psaumes sont d'abord inventés par des poètes, des chanteurs, des artistes, puis ils entrent dans la liturgie, ils deviennent le cœur de la prière d'Israël, puis ils sont rédigés, puis ils sont médités, et ils sont la source d'une nouvelle inspiration, etc. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais enfin, on voit que, en effet, l'expérience religieuse qui se traduit dans une liturgie, dans des prières officielles, dans une spiritualité personnelle, voilà. Et donc, on voit que Israël, dans sa situation géographique, se situe au carrefour entre le monde mésopotamien, on va dire, la Syrie, Babylone, etc., et l'Égypte. Et on voit qu'Israël puise dans les deux cultures, enfin, même dans ces multiples cultures qu'elle rencontre. Et elle prend au service de l'expression de sa propre expérience religieuse. Par exemple, pour raconter les commencements, elle va puiser du côté de Babylone. Lorsqu'un peu plus tard, elle puisera une sagesse populaire, une sagesse de la vie quotidienne, une sagesse du, j'allais employer une expression horrible, du vivre ensemble en société, elle puisera du côté de la sagesse des scribes égyptiens, par exemple. Voilà. C'est à ce titre-là que l'expérience religieuse, elle est assimilatrice, en quelque sorte. Alors, quelque chose de très intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous critiquez le scientifisme, le rationalisme, qui cherche une réalité, une cohérence dans les récits bibliques. Vous dites, vous, qu'il ne faut pas chercher d'explication rationnelle dans la Bible, mais une transcendance. Vous dites, le mythe formule la conception de la réalité qu'un peuple ou un groupe humain s'est faite, fixée dans un récit se rapportant au temps primordial, et dont le but est d'inscrire la vie quotidienne dans le réel transcendant, dans le sacré. Alors, vous avez raison si l'on parle de la première partie de la Bible. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, la Genèse, qui, en effet, parle à la manière des mythes. Mais lorsque l'on passe, par exemple, au roi David, à Salomon ou au prophète, là, on est dans l'histoire. Plus tard même, lorsque le peuple juif sera confronté à la culture grecque, il parlera le langage de Platon ou d'Aristote, le langage du Logos. Donc, en clair, vous dites que la Genèse doit être interprétée de façon allégorique. Absolument. Ça, c'est une des choses fondamentales et que je voudrais apporter dans le débat et pour aider chacun à s'y retrouver un petit peu. C'est qu'en effet, la Bible, ce sont des livres, que ces livres se lisent les uns comme de la poésie, les autres comme la régulation du rituel, ce qu'on appelle de la liturgie. D'autres se lisent comme des récits d'histoire. Il y a l'histoire des dynasties, les coups d'État autour de Salomon, de ses descendants. D'autres se lisent comme des proclamations, je dirais, spirituelles, comme les prophètes. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les genres littéraires. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne lisez pas un poème de Verlaine comme vous lisez un discours de... Allez, comment on va dire... Ça ne fâchons personne, mais disons un discours de M. Hollande, par exemple. Hein, quand vous prenez ces deux textes, vous ne les lisez pas avec le même logiciel. Vous comprenez qu'ils ne parlent pas exactement de la même chose, ils ne parlent pas de la même façon de la même chose. Vous dites par exemple dans votre livre qu'on ne peut pas demander si un poème de Rimbaud est vrai ou non. Oui, mais encore une fois, cette question concerne, encore une fois, la partie des récits bibliques qui appartiennent à ce grand ensemble littéraire qu'on appelle les mythes. Hein, c'est-à-dire une manière poétique de parler de l'expérience humaine dans sa profondeur. C'est là où il y a là, par exemple la grande erreur des scientifiques du 19e siècle, ça répond aussi peut-être à une autre question, à savoir, la Genèse n'est pas un traité d'astrophysique. Il ne s'agit pas de savoir si ça correspond à une... Non. On utilise un langage, mais c'est vrai pour tous les grands mythes de l'humanité, le Kalevala, toutes les grandes histoires fondatrices de toutes les grandes civilisations. Et pourtant, mon père, dans le catéchisme qu'on appelle traditionnaliste, on apprend malgré tout que la Genèse doit être prise au pied de la lettre. Oui, alors ça, je suis désolé de le dire, mais surtout le pape Pie XII, qui dans les milieux traditionnels est très révéré, a bien expliqué dans les années 50-60, que, encore une fois, il y avait dans la Bible des genres littéraires. Que nous croyons que la Bible nous donne la révélation authentique qui vient de Dieu, mais qu'elle s'exprime dans un langage humain et qu'il faut comprendre ce que l'auteur humain a voulu dire. La Bible ne nous ment pas, mais il faut comprendre ce qu'elle nous dit. En particulier, mais vous savez, c'est vrai à un bout de la Bible avec la Genèse, mais c'est aussi vrai de l'Apocalypse. Qui donne lieu à autant de délires. Donc, encore une fois, la Bible parle vrai, elle dit vrai, mais dans son langage à elle. Parce que l'originité absolue de la révélation de la tradition juive recueillie par la foi chrétienne et la tradition chrétienne, c'est de dire Dieu se sert d'un instrument humain qui n'est pas une marionnette, mais dont il utilise toutes les potentialités pour parler aux hommes. Il parle aux hommes, le langage des hommes, mais c'est Dieu qui parle. Et mon père, expliquez-nous, qui a choisi les textes qui vont former ce qu'on appelle la Bible, donc les textes canoniques, et suivant quels critères ? Alors, c'est très intéressant, j'ai insisté pas mal dans l'ouvrage là-dessus, je crois que vous l'avez vu, pour expliquer que, eh bien, c'est personne, et tout le monde. C'est ce que nous appelons la tradition. C'est-à-dire que c'est un phénomène, alors, de vue de l'extérieur de l'Église, on va dire c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est cette longue expérience qui va peu à peu dégager ses propres critères d'interprétation. Et c'est à l'intérieur de cette tradition que le discernement va se faire. En tout cas, pour l'Église catholique, il n'y a pas de liste officielle des textes canoniques de la Bible avant le Concile de Trente, c'est-à-dire avant le XVIe siècle. C'est une affaire de tradition, de réception, avec tout ce que cela comporte d'insupportable pour un esprit français cartésien, c'est-à-dire de souplesse, de choses qui sont un petit peu dedans, un petit peu dehors, jusqu'au moment où les choses, en raison des circonstances, vont devoir être précisées, clarifiées de manière très fine. Et d'ailleurs, quand la Bible a-t-elle été appelée la Bible ? Alors, la Bible est appelée, d'abord, elle ne s'appelle pas la Bible, elle s'appelle les Bibles, si vous voulez, pour dire les livres. Parce que là aussi, c'est très intéressant. Nous ne révélons pas un livre, mais une collection de livres. Nous ne révélons pas un évangile, mais quatre évangiles. Parce que nous ne pouvons pas enfermer cette révélation dans une lettre. Notre lecture n'est pas littéraliste. Une lettre, d'ailleurs, dont vous dites qu'elle a été changeante, puisqu'en fait, on part d'une langue originelle et que ça a nécessité des traductions et donc des réinterprétations et des influences en fonction du moment où cette traduction a été faite. Racontez-nous un peu cette histoire de la traduction de la Bible. Alors, il faut revenir à... Donc, originellement, cette tradition, elle est d'abord orale, dans une langue qu'on appelle l'hébreu, qui est donc une langue... qui est donc une langue orientale, sémitique, voilà exactement, avec ses propres lois, avec sa propre grammaire, etc. etc. Donc cette tradition se développe. Et puis dans l'histoire, vers 400 avant Jésus-Christ, en gros... Pardonnez-moi, sur les langues sémitiques, vous faites bien la précision dans votre livre, avec une originalité que je ne connaissais pas et absolument inconcevable dans le français, c'est que le temps, en langue sémitique, n'est pas le temps. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais vous avez vu, je cite un savant hébraïsant catholique qui montre que la notion des temps en français n'a absolument rien à voir avec la notion des temps, ce qu'on appelle les temps dans les langues sémitiques. Donc, vous imaginez, tout le monde, je pense que tout le monde parmi les auditeurs de RFM, c'est un peu d'anglais et sait que, déjà, passer de l'anglais au français, même... du français à l'espagnol, du français à l'italien. On avait déjà des décalages, des glissements de sens, etc. Donc vous imaginez une langue dont la conception est tout autre que... Bon, les Juifs, à la fin, donc, quelques siècles avant Jésus-Christ, rencontrent la civilisation grecque, qui est la civilisation dominante, qui est la civilisation intellectuelle, qui est le phare du monde dans lequel ils vivent. Et très rapidement, un certain nombre de Juifs ne parlent même plus hébreu. Ils l'entendent un peu à la synagogue dans les prières, mais ils ne le comprennent pas. Ils parlent l'araméen. Alors en plus, oui, l'hébreu était devenu, au contact des Babyloniens et autres Assyriens, était devenu l'araméen. La langue du Christ. Et qui ensuite sera la langue maternelle du Christ. Or, cette langue, dans les régions où les Juifs sont dispersés, en particulier dans l'immense métropole d'Alexandrie, la plupart des Juifs ne parlent plus ni hébreu ni araméen. Donc il a fallu au sein même du peuple juif, absolument, des traducteurs, des lettrés, des gens qui savaient. Absolument, donc des grands connaisseurs de la Bible, des savants, des rabbins, se sont dit... Si on ne veut pas perdre la foi, si on ne veut pas que... il faut que les Juifs qui ne savent que le grec puissent lire la Bible. Enfin, non pas la Bible, les Écritures, puisque c'est comme ça qu'elles s'appellent. Les Écritures. Et donc, alors la légende raconte que ce serait le roi d'Alexandrie qui aurait choisi soit 70 sages juifs, qui l'auraient enfermé chacun dans une petite cabane, et que chacun d'entre eux aurait traduit à lui seul les écrits, les prophètes, et que à la fin des comptes, quand on a ramassé les copies, elles étaient identiques. Bon, c'est une pieuse légende destinée à faire comprendre que le désir de ces traducteurs, c'était d'être, en tout ce qui était possible, fidèle au message. Puisque la fidélité à la lettre n'était pas possible, puisqu'on passait d'une langue sémitique à une autre langue indo-européenne qu'est le grec, avec toutes les difficultés dont les auteurs de l'époque étaient conscients. Il ne faut pas les prendre pour des naïfs. Ils savaient bien que c'était difficile de traduire, que c'était la traduction, c'était l'art des arts, et ça le demeure. Ceux des auditeurs de RFM qui se sont coltinés à faire des traductions, que ce soit du latin, du grec, de l'anglais ou d'autres choses, le savent. Voilà. Moi, j'ai traduit Chavez pendant des années, je peux vous en parler. Ben exactement. Difficulté à traduire une langue vers une autre. Ah ben, et toutes ces subtilités. Ce qu'on appelle les idiomatismes. Hein, Alors que pourtant, Chavez vit à notre époque. Donc déjà, son référentiel est identique. Là, oui, on parle de traduction sur des millénaires. Mais en même temps, il vit à notre époque, mais il est sud-américain dans une... Mais vous savez, quand moi j'entends parler même des prêtres sud-américains, j'en ai entendu un certain nombre dans ma vie, leur manière de lire l'évangile, etc., sans parler de théologie de la libération ni rien du tout, mais leur point de vue est différent déjà. Vous avez sûrement... Enfin, moi j'ai remarqué, je ne suis pas un hispanophone... Enfin, je ne parle pas espagnol couramment, mais el pueblo, on parle tout le temps du pueblo, hein, y compris chez les curés sud-américains, mais... voilà, et... bon, vous voyez ce que... Enfin, tout le monde sait ce que c'est difficile, hein, de traduire. Et donc, eh bien, j'en reviens au début de votre question, c'est ça qui est intéressant, c'est que les Juifs, au cœur de leur tradition, sans se renier, ont estimé qu'on pouvait passer... ses écrits d'une langue à une autre. Donc, quelque part, c'est une entorse à ce qu'aujourd'hui on met sous le concept d'écriture sainte, enfin d'écrits sacrés, intangibles, intouchables, dans leur virgule, dans leur... Alors mon père, nous en arrivons à ce tournant dans l'histoire des Écritures, c'est la naissance de Jésus, qui sera le Christ. Qu'est-ce que ça a impliqué comme changement dans la perception de ce Dieu unique? Alors, par les hommes. Qu'est-ce que le Christ a amené aux hommes? Alors, si on commence sur cette question, on y sera encore dans 3 jours. Je vais rester... Non, mais je reviendrai si vous m'invitez, mais on va rester dans ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire hein, mais les évangiles Les écritures, voilà. Les évangiles. Les écritures, les évangiles. Hein. Ce que c'est que le Messie, pourquoi Jésus vient accomplir les Écritures, etc. C'est une tellement vaste question que... D'ailleurs, ça pourra peut-être faire l'objet d'un futur cahier de... Je vous y encourage, c'est une question très, très intéressante. Oui, c'est une question... c'est la question aussi. C'est la question. Voilà. Parce que, justement... Alors, je reviens, permettez-moi de revenir sur le passage des Évangiles. Donc, lorsque Jésus naît, il s'inscrit totalement dans la tradition juive. Il est juif, fils d'une mère juive, et... Les évangélistes Saint-Luc et Saint-Matthieu tiennent bien à préciser et à souligner qu'il l'est à travers ces fameuses généalogies qu'on trouve au début des évangiles. Bon, oui, mais c'est fondamental. Et il va à la synagogue, il monte au temple, il prie en hébreu et en araméen à la synagogue, et il s'imprègne, comme tous les juifs de son temps, et sûrement comme un... Enfin, voilà, et dans son humanité... et dans son intelligence, et on le voit à un moment dans les évangiles, voilà, discuter, se poser des questions et répondre, et il reçoit une éducation juive qui n'est pas l'éducation d'un intellectuel ou d'un clerc, mais qui est une éducation, il connaît l'écriture, il prie l'écriture, les psaumes, les gens les savent par cœur, hein, à force de les réciter à la synagogue, il y a tout, voilà. Et une culture qui est globalement orale, hein, même si la plupart des hommes juifs savent lire au moins la base des textes qu'on lit à la synagogue. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ d'une Bible, enfin des écritures qui sont des écritures hébraïques et un tout petit peu araméennes. Voilà. Et sa langue natale est l'araméen. On peut imaginer que, à l'instar d'autres apôtres, peut-être pas autant que saint Paul qui, lui, avait une biculturelle, hein, grec et hébraïque et juive. Il devait peut-être parler un tout petit peu de grec, savoir que, comme la plupart de nos contemporains, baragouinent un peu d'anglais aujourd'hui lorsqu'ils voyagent à l'étranger. Hein, voilà. Et Jésus répète dans son enseignement qu'il vient accomplir les Écritures. Voilà. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir, c'est le concept clé. Il ne renie pas les Écritures anciennes, il dit « je viens les porter à leur accomplissement, à leur plénitude de sens ». Elles étaient préparatoires, elles étaient annonciatrices, et je viens les accomplir. Et il va même, alors ça c'est ça le scandale qui va déclencher tout ce qui va lui arriver, il dit « je suis l'accomplissement des Écritures ». J'incarne l'accomplissement des Écritures. Et saint Jean dira, voilà, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et le Verbe, c'est Jésus. Donc cette parole vivante dont l'écrit, encore une fois, est la trace. À la suite de cela, il réunit autour de lui quelques disciples et il va les enseigner, voilà, ils vont être des disciples à l'école d'un maître, comme l'étaient beaucoup de juifs autour de maîtres spirituels de son temps. Donc nous avons là un deuxième intermédiaire. Alors, nous avons un passage fondamental, j'emploierai pas les gros mots des savants exégètes, mais pour dire, voilà, on est dans l'accomplissement. Tout ce qu'il y a eu avant est une préparation, et avec Jésus, ça s'accomplit, et pour les chrétiens, ça va ensuite se déployer, se redéployer à travers ce point de passage fondamental qui est la personne de Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle, mon père, la nouvelle alliance ? Alors, ce qui fondait l'élection du peuple d'Israël, c'est cette alliance qui avait été établie entre Dieu et son peuple, et qui se traduisait par la bénédiction que Dieu donnait à son peuple, conduisant sur une terre, lui donnant la grandeur, le succès, la victoire sur ses ennemis. Et en contrepartie, le peuple s'engageait à observer les commandements. La base, tu ne tueras pas, tu n'auras qu'un seul Dieu, etc. Et en Jésus, Jésus vient dire, ça c'était une préparation, les sacrifices du temple, etc., tout ça c'était une préparation, et on vient proposer une nouvelle alliance qui cette fois-ci n'est plus réservée au peuple juif, mais qui vient s'offrir à toutes les nations. C'est ce que est le premier artisan de cela, qui prendra des mains du Christ lui-même, il le dit, saint Paul, prendra le flambeau, c'est Paul qui dit, voilà, maintenant je suis l'apôtre des nations. Et qui viendra dire à chaque homme, non plus des fils et des filles de mères juives, par le sang, mais en disant, désormais c'est le baptême qui établit cette nouvelle alliance. Pour tous les hommes, sans exception. Et mon père, pourquoi quatre évangiles ? Alors, pourquoi quatre évangiles ? Alors, juste pour rappeler à nos auditeurs, donc, trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et un évangile un peu à part qui est l'évangile de Jean. Exact. Et donc, pourquoi quatre évangiles ? Pourquoi ces divisions ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'architecture des évangiles ? Alors, je vous rappelle d'abord une vérité d'évidence, Jésus n'a rien écrit. Rien. Il n'a pas laissé de traces écrites. Ses disciples, après lui, ont la conscience d'avoir reçu du maître lui-même la mission de continuer sous la houlette de Pierre. Et à partir d'un certain moment, l'enseignement qui est oral, mémorisé souvent, certains vont même jusqu'à dire que la presque quasi-totalité des évangiles a d'abord été récitée, rythmo-mémorisée, si vous voulez, à la manière dont dans les civilisations traditionnelles, on mémorise et on récite les grands textes et les grands récits. À l'époque, la mémoire était beaucoup plus sollicitée que maintenant. Ah ben, évidemment, c'est sans consensus. Sans commune mesure. Ah, absolument, sans commune mesure. Et au bout d'un certain temps, il y a aussi le passage dans les premiers chrétiens sont tous des juifs, et au bout d'un moment, avec saint Paul, ce sont des païens qui sont moins dans cette civilisation orale. On arrive dans la civilisation gréco-latine, qui à l'époque parle majoritairement grec, en tout cas c'est la langue de communication, d'un bout à l'autre de la Méditerranée, de Rome jusqu'à Alexandrie, en passant par Antioche, etc., toutes les grandes capitales autour de la Méditerranée. Et là, on parle grec. Et très vite, le besoin se fait sentir d'avoir, et parce que les premiers témoins commencent à disparaître, de mettre par écrit la catéchèse, le catéchisme, l'enseignement, et il y en aura quatre. Alors, ces quatre, on sent bien en les lisant qu'ils ont des points communs pour certains, des contradictions également, que les auteurs de ces évangiles étaient dans un contexte géopolitique précis, chacun d'entre eux. Il s'adressait à un public particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît ? Alors, j'emploierai peut-être pas le terme géopolitique, mais en tout cas, de fait, ils ont eu des auditoires différents. Par exemple, saint Matthieu s'adresse visiblement, de manière plus articulée, à des Juifs, pour insister envers eux sur l'enracinement de Jésus dans l'alliance juive, dans la tradition juive, dans l'enseignement de Moïse et des prophètes. Et donc, son témoignage, parce que ce n'est pas un reportage, les évangiles ne sont pas des reportages, hein, ce n'est pas les minutes d'un procès, ce sont des témoignages. Moi, Matthieu, ou Matthieu et ses compagnons, nous attestons que l'enseignement de Jésus, c'est cela. Sachant que Matthieu était un apôtre, donc un témoin direct de l'enseignement du Christ. Absolument, il a même été choisi par Jésus. Bon, ce qui n'est pas le cas de tous les... Non, par exemple, Marc ne fait pas partie des douze. Il semble, d'après certains spécialistes, qu'il y a un personnage qu'on croise dans la Passion de Jésus qui pourrait être ce Marc, hein, mais qui était beaucoup plus jeune, et dont on dit que lui va recueillir l'enseignement de Pierre. Voilà, c'est ce que disent, ce qui est à peu près assuré aujourd'hui, à la fois par la tradition et par les recherches scientifiques. Et pourtant, il y a des théories selon lesquelles, par exemple, l'évangile de Matthieu n'a pas été écrit par Matthieu. Alors après, vous pouvez essayer de découper. Alors là, renvoie à la dernière partie de mon petit ouvrage où j'explique ce que c'est. Alors attention, mot difficile, la pseudo-épigraphie. Dans l'Antiquité, se mettre sous le nom d'un ancien, c'est pas du plagiat, c'est un hommage. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, vous savez, il y a un moment dans le milieu littéraire, il y avait à la manière d'eux. Hein? Bon. Et ensuite, c'est la tradition, c'est l'Église, c'est la communauté chrétienne qui a dit « je vous garantis que c'est solide ». Mais l'Église n'a jamais dit « c'est vraiment, ça sort de la plume de Matthieu ». Parfois, on était plusieurs pour écrire des textes dans l'Antiquité aussi. Hein. Il y avait un groupe, et puis, on sent bien qu'il y a des personnalités, que Saint-Luc, on voit bien qu'il y a le regard, l'intelligence, la finesse d'un homme. Mais en même temps, ce texte, il a pris naissance au sein d'une communauté qui a pu dire à un certain moment « Attends, moi j'y étais, ça c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bien sûr, le frère un tel raconte comme ça, mais moi j'y étais. » Ou bien, parfois, je vais prendre un exemple tout simple. Il y a un accident, il y a quatre personnes qui voient le même accident. Ils ont vu la même chose. Ils sont sincères, ils sont honnêtes, ils cherchent pas à trafiquer les faits, mais ils le voient avec des points de vue différents. Saint Jean, son point de vue est très différent aussi, parce que visiblement un homme plus intérieur, plus centré sur la profondeur du mystère, etc., a voulu donner vraiment l'essence. En même temps, c'est lui qui est le plus précis dans les faits. C'est ça qui est paradoxal aussi. Au XIXe siècle, on nous expliquait que c'était les élucubrations d'un théologien qui n'avait rien à voir avec le monde juif. Sur les détails du monde juif, il est plus précis que les autres, en fait, parce qu'il est probablement un témoin plus proche. Et puis ensuite, il y a tous les problèmes de chronologie. C'est pas parce que les évangiles sont au cœur de la tradition chrétienne et du message chrétien et de la Bible du Nouveau Testament qui sont les plus proches historiquement, chronologiquement, de la des faits. Hein, là aussi, c'est une espèce d'équilibre qui fait qu'il y a probablement tel ou tel texte de saint Paul, probablement la première aux Corinthiens, qui est plus proche, qui a été publié avant. Et puis ensuite, ce à quoi on faisait allusion déjà dans la tradition juive, c'est qu'il n'y a pas encore d'autorité centralisée qui contrôle, qui censure. Si vous voulez, dans le monde Internet, on est un peu revenu à ça. Ça part dans tous les sens. Et puis, et de fait, au bout d'un certain temps, l'Église a dû dire « bon, attention, stop, là on va faire le tri ». Très vite, il y a des listes qui vont circuler, on dira « attention ». L'évangile qui s'appelle l'évangile de Jean, l'évangile qui s'appelle Matthieu, ça c'est sérieux. Par contre, tel ou tel évangile, l'évangile de Nicodème ou tel autre texte, non, ça c'est pas sérieux. Et parmi les pas sérieux, il y en a qui sont pas bien méchants. Bon, les gens ont essayé de raconter l'enfance de Jésus. Bon, c'est mignon, mais ça mange pas de pain. Alors que par contre, certains groupes chrétiens dissidents ont voulu faire entrer leur enseignement dissident à travers des soi-disant évangiles. Et là, l'Église a dit stop. C'est ce qu'on appelle les récits apocryphes. Bon, c'est un peu compliqué, mais je... Mais c'est passionnant. Et d'ailleurs, il y a une question qui, à moi, à un moment donné, m'a passionné, c'est l'articulation entre les trois évangiles synoptiques. Et notamment, l'antériorité supposée de l'évangile de Marc par rapport à Matthieu et Luc. Et suivant laquelle, donc cette théorie, Marc aurait constitué une source commune pour Matthieu et Luc. Donc dans la rédaction même des évangiles, ils se sont inspirés les uns des autres. Alors, si vous me permettez un petit témoignage personnel, lorsque j'ai été étudiant au séminaire, c'était très à la mode, ces théories. Hein, c'est ce qu'on appelle la source Q. Exactement. Comme Q, comme le mot allemand Quelle, qui veut dire la source. Aujourd'hui, vous allez dans les facultés de théologie et dans les facultés d'exégèse, ça a disparu, cette histoire. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde intellectuel, dans la science historique, etc., il y a des modes. Alors, c'est intéressant. Attention, je ne dis pas que c'est faux. Simplement, ce sont des, dans la succession des générations scientifiques, des tentatives d'expliquer la coagulation des textes évangiles. C'est très intéressant. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas le droit de se servir de sa raison, de son intelligence, et donc pourquoi pas y réfléchir. Maintenant, sur le plan de la foi, ça n'est pas fondamental. Hein, et que on peut se perdre dans ces débats, que j'allais dire un peu talmudiques, tandis que le texte n'acquiert plus de force vitale comme un texte spirituel. D'accord. D'ailleurs, en parlant du Talmud, comment vivent les textes judaïques, la Bible juive, parallèlement à aux évangiles qui, eux, donc, prennent leur essor à ce moment où nous sommes du récit? Alors, tout le monde sait, ou à peu près, que donc, très vite... ce petit groupe à l'intérieur du judaïsme rassemblé autour de Pierre va diverger par rapport au monde juif, que les tensions vont croître, qu'il va y avoir des persécutions, donc les actes des apôtres sont les témoins, et que très vite, le christianisme va prendre son essor. Arriveront les événements, alors là pour le coup géopolitiques, la révolte juive, la destruction du temple, la révolte de Bar Kochba et la diaspora définitive, etc. Tous ces événements vont faire que le judaïsme qui était religio licita dans l'Empire romain, religion permise, va être relégué à la marge et que de son côté le christianisme va grandir. Et donc, dans la mesure même du développement du christianisme, de l'utilisation par le christianisme de la Bible grecque, qui avait été fabriquée en monde juif, fabriquée au sens positif, hein, attention, la réaction des rabbins qui tentent de survivre après la destruction du temple, c'est de se concentrer sur le noyau hébreu et de rejeter la Bible grecque. Et tout en continuant à développer ses propres commentaires, que sont le Talmud, la Mishnah et tous les commentaires, toute cette littérature qui fleurit autour de la Bible. Vous parlez dans votre livre de Philon d'Alexandrie, qui a joué un rôle important dans l'interprétation des textes judaïques. Qui est ce personnage ? Alors, Philon est un contemporain du Christ qui vit à Alexandrie et qui a la double culture, grande culture juive et grande culture hellénistique. Et il a visiblement fréquenté tous les milieux intellectuels d'Alexandrie, dans ce bouillonnement culturel, etc., autour de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, du lycée, etc., etc. Et il est en but, évidemment, aux critiques des philosophes, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, les animaux cachères, le récit de la Genèse, enfin, tout ça, c'est des enfantillages. Bon, tout ce que les philosophes diront aussi par rapport à leur propre mythologie, à eux. Hein, Zeus, c'est la mythologie grecque, évidemment. Et donc, comment sortir de ces critiques? Eh bien, c'est en entrevoyant ce qu'on appelle l'analogie, c'est-à-dire la lecture non plus littérale des textes fondateurs, mais en les comprenant comme une parabole. C'est-à-dire, les interdictions alimentaires, elles révèlent un sens du monde et de l'histoire, etc. Et c'est donc passer d'une lecture littéraliste attachée à la lettre du texte à une lecture spirituelle, en quelque sorte. Et c'est Philon qui va utiliser les techniques grecques, la manière dont les philosophes grecs lisaient leurs propres mythes pour appliquer cette technique au texte biblique. Et en disant, il y a un sens spirituel. Est-ce que c'est clair ? Oui, ça l'est. Alors, mon père, j'ai une question. Quelle est la différence de nature, profondément, entre les textes juifs et chrétiens, et musulmans par la suite ? Alors, il faut faire deux catégories principales. La première, c'est clair, nous recevons l'Ancien Testament des Juifs, nous chrétiens, nous catholiques aujourd'hui, et c'est notre héritage. Et nous sommes le nouvel Israël. Ça, c'est saint Paul qui le dit, c'est clair. Et les nations ont reçu les écrits de l'Ancien Testament, à condition, évidemment, d'y voir la préparation du Christ. Et de ne lire dans les préparations et de ne se servir et de ne recueillir, enfin, en quelque sorte, tout cela comme désignant Jésus. Interprétation, évidemment, que les Juifs rejettent, c'est clair. Hein, là-dessus, il faut que... Voilà. Mais, donc, nous, comme chrétiens, nous les recevons à ce titre, à plein titre. Voilà. Et à partir de là, bon, je crois que évidemment c'est un, comment dire, c'est une option spirituelle fondamentale, religieuse fondamentale, mais nous ne pouvons pas nous couper de ces racines juives. Hein, et très clairement, nous recevons les Écritures comme les Écritures de l'Ancienne Alliance, plus les Écritures de la Nouvelle Alliance que nous appelons Ancien et Nouveau Testament. Mais malgré tout, les évangiles sont nés de la matrice juive. Exactement. Alors justement, quelle est la nature de cette rupture qui s'est opérée entre ces deux textes? Qu'est-ce qui a amené à la civilisation chrétienne à émerger, à se répandre? Alors, par rapport à cette matrice juive? C'est le Christ, une fois de plus. Hein. D'accord, mais quelles sont les tensions La tension fondamentale, c'est est-ce que Jésus, oui ou non, est le Messie attendu par Israël? Nous répondons oui, il l'est. Et c'est, par exemple, ça se lit dans l'Évangile, dans la fameuse scène où Jean-Baptiste désigne Jésus en disant « Voilà l'agneau de Dieu », ce qui est une manière de dire « Ben voilà, c'est lui le Messie, je vous le montre ». Jean-Baptiste étant comme le résumé de tout ça, et Jean-Baptiste dit « C'est lui, c'est le Messie ». À partir de là, chacun choisit. Est-ce que oui ou non, ce Jésus est le Messie? Donc les Juifs, en quelque sorte, attendent toujours le Christ. Absolument. Oui, ils attendent toujours le Messie. Toussaint Joanneau, vous définissez dans votre livre Le judaïsme comme un univers pluriel. Alors c'est assez, étonnant que vous disiez cela. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, mais si on regarde l'état du judaïsme tel que nous le présente à la fois le Nouveau Testament, parce qu'il y a des éléments historiques, on voit bien, hein, on croise des communautés, Jésus parle des pharisiens, des sadducéens, des zélotes, l'archéologie nous a fait découvrir Qumran, c'est-à-dire cette espèce de groupe religieux, les dissidents dont on a retrouvé la bibliothèque sur les bords de la mer Morte. Si on lit l'historien judéo-romain Flavius Joseph, on a d'autres éléments. On voit très bien que ils se disaient tous juifs, mais qu'il y avait dans tout un tas de groupes, de sous-groupes, parfois très antagonistes, sur des questions qui étaient liées à la fois aux origines sociales, à des enjeux, des questions religieuses. Est-ce qu'on peut fréquenter les païens ou pas? Est-ce que la résurrection des morts fait partie de la foi, etc., etc. On voit, il y a une des scènes les plus amusantes du Nouveau Testament, c'est la scène du procès de saint Paul, où il a affaire au Sanhédrin, et il connaît, parce qu'il est juif, il connaît ce monde-là, il doit tutoyer la moitié du Sanhédrin. Et sa manière très amusante de se sortir, c'est de mettre le bazar dans le Sanhédrin, en disant, devant les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, en disant, moi je suis pharisien. Et du coup, c'est l'émeute à l'intérieur du Sanhédrin, parce que ça se transforme en querelle théologique, et pendant ce temps-là, son cas est oublié. C'est une des scènes les plus amusantes du Nouveau Testament. Voilà, il y a des antagonismes, alors j'essaie de l'expliquer un peu plus précisément, qui sont à la fois des antagonismes sociaux, qui sont des antagonismes politiques, et les rapports à l'occupant, hein. Et puis il y a des antagonismes religieux, parce que les interprétations sont pas exactement les mêmes sur tous les points. Bon, et puis c'est l'époque, il y a une distance. Hein, la distance fait que la communication, l'unification, même dans notre monde à nous, c'est difficile d'être unis. J'imagine que ER, comme toutes les associations, il y a des tensions, il y a des querelles de personnes. Ben, voilà, toutes les réalités humaines n'y échappent pas à ces règles. Voilà. Donc le judaïsme, il est en quelque sorte pluriel, même s'il y a une autorité centrale à l'époque de Jésus, qui s'appelle le Grand Conseil, le Sanhédrin. Et qui va condamner Jésus? Et mon père, et le Talmud dans tout ça? Ah, écoutez, moi je ne suis pas un grand spécialiste, la seule chose que je sais, c'est que... Vous en parlez à la marge, parce que ce n'est pas notre souci. Si vous voulez, j'en parle simplement pour dire, il s'agit de commentaires, d'interprétations juridiques. Les Écritures posent des questions, les religieux essayent de comprendre ce que ça veut dire, et essayent de vivre les commandements de Dieu dans leur vie quotidienne. Et comment on fait? Alors, il y a plusieurs points de vue. Il y a des textes qui semblent se contredire. Comme, voilà. Et le Talmud, il est essentiellement rempli de ces interprétations. Comment on fait dans la vie quotidienne, dans le travail, dans le commerce, dans le couple, à la synagogue, au temple, comment on fait un sacrifice, etc. C'est une collection de sentences, si je crois. Enfin, j'espère ne pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas, c'est du commentaire. D'accord, alors... C'est l'herméneutique. Alors moi j'emploierai pas les gros mots, mais c'est oui c'est ça, c'est encore une fois, même avec l'évangile, même avec les paroles de Jésus, quand un chrétien se dit mais je crois que c'est un commandement de Jésus, mais comment je fais moi 2000 ans après pour le vivre, il faut réfléchir, il faut prendre des avis différents. Mais est-ce que ça répond à la question? Ça répond à la question, Xavier. Oui, mais cette approche du texte existe beaucoup moins dans le christianisme. Oui, parce que en tout cas le catholicisme a généré un centre que nous appelons le pape. Hein, ça a pris du temps, hein, ça a pris une dizaine de siècles. Mais peu à peu a émergé, même si c'était déjà présent, l'idée que, en dernière analyse, quand il y a une querelle d'interprétation, quand il y a des problèmes d'interprétation, de mise en œuvre de la foi, quand il y a des désordres, ben, en dernière analyse, on aura un point de référence, qui est, en gros, on va dire Rome, pour nous catholiques. Hein, au départ, dans les petites communautés, c'est l'évêque, puis ensuite, c'est l'évêque des évêques, l'évêque de Rome, qui n'a jamais existé dans le judaïsme. Voilà. Alors, mon père a une question. Mais ça part, qu'on se rassure, et quand je rassure les auditeurs de RTV, ça n'a pas empêché les disputes et les querelles dans l'Église au cours des siècles. Hélas, hélas. D'ailleurs, vous évoquiez la question des contradictions entre les différents évangiles. C'est vrai que sur certains points, ils se contredisent, hein, même clairement. Donc ça, comment vous résolvez ces problèmes qu'on rencontre à la lecture des évangiles? Moi, je ne résous rien du tout. Hein. J'essaie de m'inscrire dans la tradition. Et chaque chrétien, chaque catholique doit essayer de... Alors, on a plein des points de référence. On a la tradition, on a les docteurs de l'Église, on a les grands spirituels, on a les saints, on a l'enseignement des papes. Voilà. Et puis, il y a des questions qui restent... les évangiles, enfin la parole de Dieu, elle est vivante. Et les Écritures sont un point de référence, mais la parole de Dieu, elle est vivante à travers la communauté tout entière, avec des pôles que sont le pape, les docteurs de l'Église. Enfin, la tradition est vivante. Et du coup, ça permet à chaque génération de... Voilà, alors, peu à peu, je dirais, il y a une certaine... Allez, je prendrai une comparaison, une espèce de caisse à outils, si vous voulez, qui nous est donnée, hein, qui nous permet de... Pour faire très bref, si vous voulez, aujourd'hui, si vous vous interrogez sur tel ou tel passage de l'Écriture, nous, on a quand même un point de référence qui est un résumé, alors qui ne dit pas tout, qui parfois mérite de creuser plus profondément. En gros, c'est ce qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique, qui est l'expression aujourd'hui de la tradition. Ça n'est pas la dernière, ultime parole avant la fin du monde, mais c'est l'expression de la tradition aujourd'hui. Alors, on en vient à notre... Avec un T majuscule, hein. Bien sûr. Je veux dire la tradition avec un T majuscule. Alors cette tradition, dans notre époque contemporaine, comment vit-elle? Comment a-t-elle survécu? Disons que, effectivement, la modernité, alors là, les auditeurs de RTV, c'est un débat qu'ils connaissent. Hein, je veux dire, voilà, dans ce monde de la tradition dont nous avons hérité, à partir du XVIe siècle, disons, le premier marqueur, c'est le protestantisme, hein, on sort peu à peu du monde de la tradition. Mais nous, nous nous accrochons. Malgré le poison dissolvant de la modernité, l'Église s'accroche, les communautés chrétiennes s'accrochent comme elles peuvent, chacune avec leurs moyens. On a pris de rudes coups, il faut bien le dire, mais je crois que là aussi, ça fait partie des paroles fondatrices de l'Évangile. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, hein, malgré toutes les difficultés. J'aime bien rappeler souvent que, voilà, au IVe siècle, vous auriez interrogé 95% des chrétiens, et ils auraient été à rien, ils n'auraient pas cru. Ils vous auraient dit, non, Jésus n'est pas Dieu. Bon, et pourtant, c'est la foi de l'Église, et l'Église a résisté à ça. Donc, voilà, courage. C'est difficile, parce que c'est vrai que c'est le pilonnage, c'est Verdun, hein, en ce moment, hein, pour le monde de la tradition, mais on résiste, on tient. Vous résistez, et même, de ce qu'on peut observer un peu à l'extérieur de l'Église, malgré tout, une foi qui grandit, notamment dans la jeunesse. Les églises sont quand même plus fréquentées qu'il y a 10 ans ou 20 ans, c'est l'impression qu'on a. Est-ce que vous confirmez? Écoutez, moi je ne fais pas de sociologie. Écoutez, moi, je ne fais pas trop de sociologie ni de calcul. Alors, vous allez me dire, c'est un argument de perdant. Non, écoutez, je crois qu'il faut d'abord... Moi, j'aime bien élargir le regard, c'est-à-dire que je regarde l'Église catholique dans son ensemble. Et il y a des pays où l'Église est florissante, il y a des pays où la situation est compliquée, il y a des pays où la situation est très difficile. L'avenir de l'Église, du catholicisme en France, je ne saurais pas très bien vous dire. Il y a effectivement une grande soif, et mes rencontres avec des membres de R me le montrent. Aux périphéries de l'Église, comme dit le pape François, il y a voilà, beaucoup de soif, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Moi, j'essaie d'y répondre à ma façon. Pour le reste, non, ce qui est plus, alors je dirais plus dans l'actualité, actualité très, on va dire, très politique, c'est il y a, depuis 2013, et la manif pour tous, c'est vrai, là, il y a une nouvelle génération qui se lève dans des initiatives sociales, politiques, le combat pour la vie, etc., etc. Là, il y a quelque chose, je dois dire, pour les personnes de, pour les gens de ma génération, qui est une vraie divine surprise. Et ça, c'est intéressant. Il y a toutes sortes d'initiatives, plus ou moins. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est passionnant. Vraiment. Et là, on verra bien. Et notamment Trump, qui a été élu dernièrement et qui porte ce combat pro-vie. On sait qu'on a le vice-président qui était dans une manifestation pro-vie dernièrement, c'est ça ? Voilà, dans la campagne électorale américaine, le vice-président Mike Pence avait été présenté comme effectivement un candidat pro-life, comme on dit aux États-Unis, et de fait, et je veux dire que ça a été pour les gens de ma génération un moment assez émouvant, je dois le dire, de voir le vice-président des États-Unis, envoyé par le président Trump lui-même, assister à la grande marche pour la vie à Washington, et dire, voilà, nous allons continuer, ça fait 45 ans que nous nous battons, non pas, je dirais, de manière négative, mais positive pour... et il a même réemployé, lui qui est un protestant, l'expression de Saint Jean-Paul II sur les qu'il fallait voilà, combattre les structures de mort, quoi, et avoir une culture de la vie. J'ai trouvé ça assez chouette. Hein. Alors mon père, pour nos auditeurs qui voudraient aborder la Bible et qui ne savent pas comment s'y prendre, quels conseils leur donneriez-vous ? Écoutez, je donnerais deux conseils. Un très intéressé, lisez le premier cahier de culture chrétienne, mais de manière parallèle et plus intéressante et plus fondamentale, je dirais lancez-vous. Alors, il faut être simple, commencez par l'évangile selon saint Marc, voilà. Et petit à petit, vous accrocherez avec le reste. Si vous voulez accrocher dans l'Ancien Testament, prenez les psaumes. Et surtout, je dirais, vous verrez, je conclue un petit peu mon texte là-dessus. Voilà, la lecture, ça n'est pas seulement quelque chose de superficiel. S'il faut, même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas dans une démarche spirituelle, la Bible est l'un des chefs-d'œuvre de l'humanité. Elle mérite qu'on s'investisse dans la lecture. Voilà, qu'on prenne les choses au sérieux, non pas tristement, mais sérieusement. Voilà, ce texte a inspiré des générations et des générations. Bien lancez-vous, découvrez, faites des découvertes, et des découvertes entraîneront d'autres questions qui entraîneront d'autres découvertes. Voilà, on n'est jamais déçu de toute façon. Peut-être aussi en commençant par la lecture du Jésus-Christ, sa vie, sa passion, son triomphe, du révérend père Augustin Berthe. Écoutez, je ne vais pas dire du mal des éditions Contre-Culture, mais vraiment, moi j'ai été élevé dans cette philosophie, le texte, toujours le texte. Vous préconiseriez de commencer directement par la Bible ? Ah oui, il faut se lancer. On apprend à nager en se jetant à l'eau. Hein. Mon père, merci beaucoup pour cette émission passionnante. Merci aussi pour ces questions passionnantes. Ben merci. Je rappelle que votre livre, le tome 1 des cahiers de culture chrétienne, La Bible, est disponible sur contreculture.com au prix de 12 € pour 100 pages. De même d'ailleurs que les évangiles, vous en parliez tout à l'heure, la traduction de l'abbé Augustin Crampon, un très bel ouvrage contre-culture, ainsi que nombre d'autres ouvrages dont Le Jésus-Christ, sa vie, sa passion, son triomphe, du révérend père Augustin Berthe. Tout cela permettant d'approfondir notre connaissance du christianisme. Monsieur Joanneau, merci encore. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de La Motta. Son album Bande Originale est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Céleri Noire. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.